Réponse numéro 17. Les anges sont des créatures du monde invisible qui adorent Allah et qui n'ont aucune des spécificités de la seigneurie ou de la divinité. Allah les a créés de lumière et leur a octroyé la soumission totale à ses ordres ainsi que la force pour les exécuter. Source Nubdhatun fil Aqida de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء خلقهم الله من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه المصدر نبذة في العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين.